attrape la nuit des marins de passage. Ils ont des mains inquiètes avec des doigts blessés. Ils rôdent sur les quais en quête d'un outrage. Elle entr'ouvre les yeux, il meurt d'avoir aimé. Elle emporte chez elle un parfum d'amertume, une rose enlacée par une algue marine. Et l'Ave Maria de ses amours posthumes s'échappe de ses lèvres où des larmes piétinent. Les nuits de Laila, les nuits de Laila, les nuits de Laila. Le sommeil est banni des nuits de Laila. Adossée au miroir, elle tire sa chevelure. Elle savoure des absinthes qui l'emmènent là-bas, où dorment des grands fauves enroulés dans l'azur. Dans un cri de détresse, tout l'océan s'inverse. Elle croit tenir le ciel et caresse des vagues. Elle chante avec la mer aux noyés qu'elle berce, en tissant des filets sur les flots qui divaguent. Les nuits de Laila, les nuits de Laila, les nuits de Laila. Les nuits de Laila, les nuits de Laila, les nuits de Laila. Sa chambre et les pas du silence. Elle demande au miroir, qui suis-je Laila? Elle s'invite elle-même à l'éternelle absence. Lilith sur ses lèvres a crié Laila. Son absence.